à l'origine, à la base. Non, avant, je faisais kiffer. Il n'y avait pas de prise de tête. Simplement. À l'origine, j'aimais le rap et je voulais être original. Avec les potes, on aime la musique comme hip-hop médicinal. A l'origine j'aimais le rap et je voulais être original. Avec les potes on aime la musique comme hip-hop médicinal. A l'origine j'aimais le rap et je voulais être original. J'avais le kiff avec les sraps, j'aime écrire des jolies images. Oui je me suis vu dans cette folie si sale. La passion m'envahit, je suis sélectif et fais des vibes. J'écoute des sales sont dans la nuit. A l'origine je rappe pour moi, mon entourage. Si les frérots se régalent, le reste ça m'est égal, ça m'encourage. Le goût de l'écriture dans mes galères, le stylo m'accompagne. Je tombe des feuilles comme en automne pendant que j'ignore et m'accompagne. A l'origine je voulais pas qu'on me voie mais qu'on m'écoute. Le fait de faire entendre ma voix qui t'a dévoilé mes doutes. A l'aide de la plume, je construis mon univers. Je suis dans la bulle l'hiver, studio, laboratoire. Tu ris frère, à la page et l'amour de la musique. Le dépassement de soi, si je te déçois, c'est quelque part t'as dû t'y faire. Oui, je rappe pour toi, lui ou elle. Peu importe tant que tu aimes, libre d'écrire, tiens du hip-hop. A l'origine, j'aimais le rap et je voulais être original. Avec les potes, on aime la musique en hip-hop médicinal. J'aimais le rap et je voulais être original. Avec les potes on aime la musique comme hip-hop médicinal. A l'origine je connaissais rien, la musique m'est étrangère. Au collège j'apprends la flûte, un clandestin dans le son serre. C'est un taron qui coupe du Jackson dans le poste de la 305. Dans la voiture le son sur trois enceintes. A l'origine je reste un garçon simple, préférer la discrétion. J'écris des sons, crois pas que le garçon feinte. Pas de place à l'ancienne, à l'époque des répoupes. Oui le rap avait des coups punk. A la base passe quelques rimes et basta. M'en fout de savoir il se passe quoi. MC trace ta route à croire que toutes tes voix sont saintes. Certains se la racontent, n'ont rien à raconter. Quand il s'agit de compter sur les autres, mon pote j'ai pas compté. Je veux pas monter par le biais de l'écrasement de l'autre. Je vois complet, je me sens comblé, juste un rassemblement de lol. Je veux pas monter par le biais de l'écrasement de l'autre. Je vois complet, je me sens comblé, juste un rassemblement de lol. A l'origine j'aimais le rap et je voulais être original. Avec mes potes on aime la musique comme hip-hop médicinal. J'aimais le rap et je voulais être original. Avec les potes on aime la musique comme hip-hop médicinal.